Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne juste après D-Fool. 100% rap français. Les frères Lumière sont arrivés à l'heure. Pour une fois, j'ai les deux à l'heure. Incroyable. Ça arrive des fois. Ice MC, Volteface, comment ça va, messieurs? Ça va très très bien, très très fort. Ça y est, Adal est dans les bacs depuis aujourd'hui. Exactement. On a reçu plein de messages, un truc de ouf. Ça fait plaisir. Voilà, les gens ils suivent, ils soutiennent à mort. Merci Adal... à tous ceux qui sont partis les chercher. Ah ouais, voilà. Merci beaucoup. Adal qui veut dire. À des années-lumière. En rapport avec le nom de votre groupe, d'ailleurs, les Frères Lumière. Voilà, les Frères Lumière. Faisons d'ailleurs un petit historique. Cette histoire de Frères Lumière débute quand? Bien avant vos solos, où vous avez commencé à rapper en tant que Frères Lumière? Ouais, bien sûr. En fait, à la base, on a appris à rapper ensemble, tu vois. Ouais. Et on avait chacun notre délire. On n'a jamais rappé de la même façon, en fait. Donc, Volt, il a toujours eu son truc et j'ai toujours eu mon truc. Et ça fait qu'on a toujours été complémentaires. Donc, au fil du temps, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un album, tu vois. Et un jour, en plus, sur un freestyle, on avait fait un freestyle Demolition à l'époque. Ouais. Et on avait fait un freestyle à deux, on a trouvé ce nom, justement, les Frères Lumière. C'est parti de là, en fait. Un freestyle en 2010, ouais, c'était un freestyle. Les gens ont bien aimé le délire, et c'est parti de là, et puis aujourd'hui, on fait un mixtape à deux. Hein. Voilà, c'est plutôt mixtape, le côté, c'est plutôt. Là, ouais, c'est une mixtape. C'est une mixtape. Ça veut dire que, voilà, on s'est donné à fond dans la performance, on a fait que ce qu'on aimait. Il y a de tout, tu vois ce que je veux dire, il y a à manger pour tout le monde. Voilà, exactement. Une grosse mixtape. Franchement, et ben on va pouvoir découvrir ça durant cette première partie de Nocturne. Est-ce que dans ce projet, dans cette mixtape, vous révélez que vous êtes des vrais frangins ou des. Des frangins musicaux, des frangins on a lancé la cover, tu vois. Mm-hmm. Et il y a pas mal de gens qui se sont dit: attends, mais c'est quoi le délire là? C'est une photo, ils avaient 7 ans, ouais. Tu vois. Ils savent pas, en fait. Il y en a, ils croient que ma daronne aime laisser aller chez lui, tu vois. Qu'on a pris la photo, faire des photos et tout. Faire des photos et revenir après à la maison. Les gens, ils savent pas, tu vois. Mais bon, on vous dira peut-être un jour. Ouais, mais c'est vrai que vous avez toujours entretenu ce petit suspense. C'est beau. Et bien, continuons à l'entretenir ce soir encore. C'est vous qui prenez le contrôle de la nocturne. On va débuter avec des morceaux qui sont pas sur la mixtape, c'est ça? Voilà, on va lancer 3 morceaux qui sont inédits, mais pas dans la mixtape. C'est juste pour le kiff, ça. Pour vous. C'est pour vous, quoi. C'est offert, c'est gratuit. Faites-en ce que vous voulez, les gars. Coup d'envoi, c'est parti. Yeah. 100% rap. Yeah, ho. C'est Heist MC Insomniac. Petite démo pour Adal. Suivez-moi Adal sur dans Snapchat. Les bacs. Yeah. Snap Biko. Yeah, ho. Baby comme du bendo, baby is a bilan. Et m'énervé car la chétienne champagne shower dans sa chevelure. Peroxide day, l'autre tour, mes bico debout pour l'after BD. La M-Day Day, sort du gamos, bloque la rue pour Ney Ney, juste pour Ney Ney. Balma Balenciaga Prada, j'veux pas ta cagette et fada. Toujours au cœur du réacteur, reconnu jusqu'au Canada. J'veux que tu work à la Rihanna. Rihanna, j'ai la main sur Panam, j'ai de la moula, j'fais la mala sur le macadam. Bico, j'ai tout donné dans la cabine, trop d'énergie, c'est la pile alcaline. L'ego du ghetto ne sont pas câlines, et l'ego du 16 en mode méthamphétamine. Poussi Bico, tu manques de vitamines, tu sais même pas satisfaire ta petite amie. Yeah, oh, j'suis dans l'appart, hey, je recherche ta forme et le fond. J'suis des retours dans les bacs avec le refrain Saitama. À des années-lumière de ces rappeurs lambda, là j'ai ressorti la Maybach. Car ce dernier chèque contient bien 6 chiffres et j'emmène ma bitch à Hawaï. Non, y'a pas d'échec, la mixtape déchire. C'est le 8 avril, c'est Adal. T'es ma loca, t'es ma bitch, t'es ma bimbo, tu seras tout ce que tu voudras. Tu peux faire ton speech, me raconter ce que tu voudras. Moi ce que je veux c'est te mettre un Ah, je sais, je suis un gamin. Calmez. Merci la famille. Que tu soutiennes de loin ou de près. Team Frère Lutz. Yeah. Dans les bacs, Adal, allez merci chercher, la famille, tous ceux qui sont allés le chercher. Aïe, c'est rien. C'est l'échauffement, les gars. Yeah. Planète rap. 100% rap français. Ska. À des années-lumière. Déjà dans les bacs. Allez le chercher, les amis, on est ensemble. Aïe. J'suis seul dans ma tête, j'marche le regard vide. J'suis seul dans ma tête, j'marche le regard vide. J'suis seul dans ma tête, j'marche le regard vide. Tous ces gens m'observent quand j'marche dans la ville. Allô, allô, allô, allô, allô. J'ai pas choisi ma vie, pas choisi ma vie. Tous mes potes m'envient, quelquefois j'ai menti. Petit frère n'attire pas les ennuis. La daronne pleure souvent et s'ennuie. J'ai cru que ma meuf m'aimait, j'avais tort. J'avais tort. Comment faire du sérieux sans effort? Sans effort. J'ai cru que ma meuf m'aimait, j'avais tort. J'avais tort. Comment faire du sérieux sans effort? Allô, allô, allô, allô, allô. TB en direct de Planète Rap sur la Nocturne, à des années-lumière et dans les bacs depuis ce matin. Mal merci cherché. Si t'as précommandé, si t'es parti le chercher ou si tu comptes aller le chercher. On est ensemble. Si on est dans tes oreilles, c'est que t'es dans nos cœurs. C'est quel début, mon sauce? Ah. Yeah! J'ai un or blanc dans la Maybach. J'suis un playboy avec un bang bang. Cette bitch veut que j'l'appelle baby. Sans pif, elle me parlerait comme une vieille merde. On a tous appris à chiffrer sur le corner. À ne pas juger les hommes par leur couleur. Les meufs de la maf en menteur à Connor. J'en place une pour Salah et Abdul des Comores. Croissante, lune, couleur ganja. T'as le rire jaune, fais sortir Jack. J'ai le Tech 9, joue les ninjas. Joue les ninjas, ninja. Médic au vent de la blanche et la marron. Bitch, t'as pété les plombs, tu veux faire un marmot. Mais t'es maho, maho, maho, maho, maho. Maho, maho, maho, maho. Yeah. Yeah, how? On est ensemble. La Adal famille, dans les bacs. Dans les bacs, man. Tout est bon. On va le chercher, on va le chercher, man. 100% rap français. Hashtag. On va du hashtag sur Twitter là. Hashtag Adal. Hashtag Adal. Tous ceux qui ont précommandé. Hashtag merci. Hashtag Ladal. Yeah. Ah. Bah, bah. J'pense qu'on vous baisse tous. Hashtag planète. Tu fais le grand et mon type. Hashtag canette. J'fais ce que j'veux du game. Hashtag manette. Après le couplet tu vois flou. Hashtag panette. Tu suces trop pour faire ta hlète. Hashtag bouffonne. T'auras jamais l'heure des rois. Hashtag couronne. On t'est assis, tu fais le show. Hashtag soleil. J'ai écouté ta mixtape. Hashtag soleil. Hashtag frère lumière la mixtape. Préviens tes potes dealers qu'on est dans le business. Celle-là c'est pour tous les checks, les mecs au heps. Hashtag oh. Chaque jour est un jour de paye. On fréquente pas le même genre de taille. On fréquente pas le même genre de go. Hashtag Adal. Hashtag Adal. Hashtag c'est le bendo. Elle croit rêver quand elle est dans ma suite. Hashtag Hayes. Qatar. Pourquoi tu cheats dessus quand tu me croises dans la street? Hashtag payé. Puto, puto. Sans meuge de pur, une chope de puce. Hashtag bon chat. C'est là MC assis, couché. Hashtag bon chien, bon chien. Hashtag chien. Tout le monde m'observe quand j'arrive en ville. Hashtag nouvelle. Je vole, je vole. Demande à mes timales, on sait qui sont les thugs. Hashtag nouvelle. Nous qu'un fake. Timal. Envoie ta chatte. Hashtag snapchat. Screenshot. 30 un paiement accepté. Hashtag pouvoir d'achat. Bitches. Ouais, c'est nous les gars, mais pourquoi tu commis? T'as fait deux croyés, mais tu te prends pour Tony. Ouais, c'est nous les gars, mais pourquoi tu commis? T'as fait deux croyés, mais tu te prends pour Tony. Ouais, c'est nous les gars, mais pourquoi tu commis? Pourquoi tu commis? T'as fait deux croyés, mais tu te prends pour Tony. Ouais, c'est nous les gars, mais pourquoi tu commis? Pourquoi tu commis? T'as fait deux croyés, puis tu te prends pour Tony. Tu te prends pour Tony. Ah, comme fou, hein. Adal dans les bacs. Ça prend fort. Oulala, ils sont chauds. Ambiancez-vous là, dans les chops, dans les voitures, dans les chambres, partout, dans les studios. C'est la Nocturne avec Volteface, avec Ice MC, les Frères Lumière, Adal est dans les bacs depuis aujourd'hui. On fête la sortie ce soir. Exactement, ce soir c'est la folie. Ce soir c'est la folie. Alors ça c'est des morceaux qui, bah, qui annonçaient le projet. Voilà, ça c'est des vraiment... cadeaux, des bonus. Voilà, c'est vraiment bonus là, c'était l'échauffement. Là on commence vraiment à lancer les sons inédits de la mixtape. Voilà. On aime bien se faire plaisir et faire plaisir par la même occasion. Et en tout cas, j'ai bien compris le message. N'hésitez pas, le hashtag Adal, le hashtag merci. Voilà. Exactement. Le hashtag allez chercher l'album, le projet, allez le chercher. Voilà, allez le chercher. Hashtag Adal. Ouais. Et on peut le précommander, enfin on peut le commander tout de suite évidemment sur iTunes, sur toutes les plateformes. Donc, dans les bacs partout. N'hésitez pas, ça s'appelle Adal, les Frères Lumière avec nous. Ouais. On continue, on attaque vraiment la mixtape, c'est parti. C'est parti. On y va, là. Là. Déception. Déception. Ils sont conscients. Écoutez bien. connu la douleur. La vie m'en fait voir toutes les couleurs. T'as rêvé d'être quelqu'un, t'es plus personne quand tu meurs. Que Dieu pardonne mes torts, t'obtiens jamais rien sans effort. Faut que je mette à couvert la famille avant de penser au coup espoir. J'ai grandi, certains rêvent de me voir chuter. J'ai choisi de ne pas faire le bandit, j'ai choisi de ne pas vous écouter. Tous mes frères m'ont prévenu, tu verras que la roue va tourner. Au final, on ne sait pas ce comme prévu. Mes propres potes me font douter. Ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu. C'est pas pour autant que je vis mieux. J'ai découvert c'était la musique. J'ai compris ce que c'était qu'un vicieux. Et puis je touche pas à l'alcool. Un peu fou comme le père à Malcolm. J'ai pas confiance en Belvedere. J'ai plus confiance en mon magnum. Mes frères, vous m'avez déçu. Mes frères, vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. J'arrive à la fin de cette balle au champagne. Je roule avec elle, on trouve pas d'hôtel. Faut que j'aille mettre le plein port de la chapelle. Elle profite de l'open, snap sur son tel. Au fond je suis pas mieux qu'elle. J'ai connu le succès très jeune, fait le tour de l'Europe, pris quelques sous. Je me roule encore par terre à mon âge ma belle. Mais je m'endors mieux quand j'ai pris quelques coups. Du mal à gérer mes sentiments, tu l'as senti. Je m'en passais juste que j'ai du mal à trouver les mots, ouais. Je suis en baignoire dans le living, j'écoute encore un vieux vinyle. Et je t'attends pour sabrer le mot, ouais. On souffre à l'idée de mourir, on oublie d'en vivre. Je te dis jamais ce que je ressens mais j'en meurs d'envie. C'est ton regard qui m'empêche de partir en vrille. Fais pas l'indifférent que mon absence te laisse un grand vide. Girl, moi aussi j'ai connu la douleur. On m'en a voulu pour ma couleur. À 6h là-bas qui est venu me soulever. Devant mes parents, mes petits frères, mes petites sœurs. Avant l'amour de mes locas, de mes locaux. Ma vie n'était qu'une accumulation de quiproquos. Encore une pour tous les frères, en lulle c'est comme l'issue. Les feuilles en roule, la moule a fait le yo-yo. Mes frères, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Mes frères, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. Mes frères, vous m'avez déçu. Mes frères, vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. Mes sœurs, vous m'avez déçu. Yeah. Merci la famille. Adal dans les bacs pour tout ce soutien. Merci à vous. Enchaîne la suite. Aïe aïe aïe. Planète Rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Yeah. Moula. Adal. Tu connais comment ça se passe? Bang bang. Ça vous enjaille ça, hein? Wow. Bang bang. On veut lécher les petites poires de Marie-Antoinette. On cuisine au bain-marie pour visser aux toilettes. Sartec, le gabarit. Méfie-toi des poêles. Qu'est-ce que t'as à faire car personne ne croira en toi, mec. Moi, j'ai peut-être pas la science infuse. J'ai un fusil parlant du tertus. Moi, freestyle jusqu'à l'infarctus. Éternel insatisfait, j'ai toujours envie d'en faire plus. Man down, on a fumé trop de shit. Inverse de moi, t'es chantant dans son brochis. La lame sur les pistes noires, on m'appelle Ice Lemski. Ta salope connaît mes paroles, ma chambre et mon brochis. Toi, t'es tellement mauvais qu'on se demande si tu connais le diable. Vite, pas jouer les samouraïs pour une vieille geisha. J'boxe avec les mots, t'as pas la garde pour encaisser le diable. Le rap appartient à la rue, sûrement pas aux médias. J'ai cette dope dans le métabolisme. Anatome te guérit jusque dans le groupe sanguin. Pédale, il est trop tard pour appeler la police. Tu restes en vie si le crédit et retrouve son gain. Swear. Je recrache fumé comme le dragon. Y'a pas Pada et qui est ballon. Vas-te face la poudre à canon. Macho bang bang, c'est le gravon. Faire charbonner petit raton. Détail. Cours pour la pipi triathlon. Attaille. On met le rap game en amour. Il est l'heure de tout niquer son maman. Mignon. Moula, tu vas dire ce que tu penses tout bas. Si cette caisse te plaît, Lula. Rage, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit bip, oseille, moula. C'est rapide, il me suffit juste un coup de téléphone pour que t'oublies l'odeur de la cabine. On sert des fans, tu sers des gamines. Les gens has-been disent que t'es has-been. S'il y a pas de criminel, y'a pas de crime. S'il y a pas de buzz réel, y'a pas de stream. Quand tu veux ma peau, tu seras déjà chanceux si t'atteins mes côtes. J'aurais pas tu la ken. Le soir c'est une frappe, le matin une faute. Et c'est comme ça que ça se passe dans ma life. Au quartier les petites parlent de vandame. Traîne avec des gens peu fréquentables qui jouent les vandames devant les gendarmes. La vie m'a rendu asthmatique. Je me vois partout comme un asiatique. Au check-out tous mes potes glissent. Paname ça devient un parc aquatique. On m'a dit folle, gros putain j'ai chant. J'ai pas j'ai chant. C'est toi qui es vicieux. On a bossé pour mouiller le maillot. Toi fils de pute tu sors quand il pleut. Fils de pute. Attends de te marier, les traites seront présents à ton cortège. Meurs demain, ils baisseront ta femme enterrée dans le corbeige. Ça y est, tu viens de mourir dans la guerre que soi-disant frère. Hier, il crevait pour toi, aujourd'hui, il prie pour taille en enfer. Hier, il crevait pour toi, aujourd'hui, il prie pour taille en enfer. À d'aller dans les bacs bigger. Il faut cette moula, je viens dire ce que tu penses tout bas. Si cette caisse te plaît, loula, rageux, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit pif, faut zé moula. Je viens dire ce que tu penses tout bas. Si cette caisse te plaît, loula, rageux, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit pif, faut zé moula. Les gars, ce que tu penses tout bas. Les gars, qu'est-ce que te plaît, loula, rageux, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas le bienvenu dans la fin, les gars. Pas le bienvenu dans la fin, les gars. Conduire cette Maserati, conduire cette Maserati. Bitch. Yeah. 100% rap français. Aïe aïe aïe aïe aïe. Mon gars Ous. Mon gars Ous, le sang. Aïe aïe aïe, aïe, aïe, aïe. Le zincou. Tu me désaides mon sauce. Le zinc lumière. Mon gars Huss. J'ai sorti cette Ferrari pour pêcher des grosses folles. J'ai le dernier maillot de l'Algérie. Je roule ma nuit, la dose est forte. Prends mon numéro de chambre, ma chérie. Je veux pas ton numéro de téléphone. Paris, Lyon, Massilian, Istres, juste Montpellier, Carcassonne. En buvette sur la corniche. Grosse folle en buvette sur la corniche. Grosse folle en buvette sur la corniche. Grosse folle en buvette sur la corniche. Le sang, Adal, j'ai bien grave mes premiers grammes. À mon voisin, il aimait trop ma cam. Ta mère, c'est ma pute, mais devant toi, je l'appelle madame. On est rentré 500 fois en marche arrière, oh madame. J'ai les dents cassées, elles ont frotté le macadam. J'ai de l'argent, j'ai une arme, je ne vais pas trop à la salle. Complètement déchiré au volant, mon ami ne s'appelle pas Sam. Non, je ne déclare pas ma flamme. Non, je te déclare pas ma flamme. Vert, c'est la guerre, à ta santé, à ta réussite, mon frère. T'es une langue de pute, je te fais parfumer sur mon terre. Tu portes les trous de boulettes sur ma veste, mon père. Ton rappeur, je l'enterre. Ton rappeur, je l'enterre. Ton rappeur, je l'enterre. Ton rappeur, je l'enterre. Ma pétaille, c'est délicieux, elle a le goût du champagne. Elle a le goût du tempère. Elle a le goût du tempère. Sur la tête de mon père. Sur la tête de mon père. Je calcule pas ta cagette. Je calcule pas ta cagette. Je tire deux barres sur mon terre. Je claque 10 balles sur la croisette. Sur la croisette. J'suis dans la golf avec Volt. J'écoute les punchlines de temps mort en cassette. Temps mort en cassette. J'ai les deux pieds devant le thé. J'suis dans la surface. Comme la casette. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cette Ferrari. Pour pêcher des grosses folles. J'ai le dernier maillot de l'Algérie. J'roule ma Louis. La dose est forte. Prends mon numéro de chambre, ma chérie. J'veux pas ton numéro de téléphone. Paris, Lyon, Massilia, Nice, juste Montpellier, Carcassonne. En buvette sur la corniche. Grosse folle. En buvette sur la corniche. Grosse folle, en buvette sur la corniche. Grosse folle, voilà. En buvette sur la corniche. Aïe. Grosse folle, grosse folle. Saitama. Espèce de bâtard, toi tu veux des flots, vas-y je te les donne. Pourquoi tu fais la star? Crois-moi t'es pas assez bonne pour être conne. J'rappe depuis des années, c'est pas des rappeurs, c'est tous des acteurs. Ils parlent de tarpés, ils ont des iPhones. C'est pour ça que des fois ils parlent de chargeurs. Le game se noie dans sa merde, le public m'appelle maître nageur. J'emmerde le monde, j'avais déjà mon troisième doigt levé bien avant d'être majeur. Où c'est les frères Lumière? Tu veux la guerre, faut la faire. On te soulève comme une altère, ou bien comme une bastos qui a pas de frère. J'ai pas choisi ma life, les gens m'ont rendu malade. J'suis dans le game, j'me balade. Appelle-moi Saitama, j'suis Panam. J'suis avec Kous, enchanté. On a les deux pieds devant le dé. Tu nous vois taper la mélo, mais crois-moi qu'on peut gifler sans chanter. Et j'rappe depuis le berceau. J'vois toutes ces meufs qui marcellent. Tu crois contrôler le rap game? Je m'arrive au pont comme tonton Marcel. J'suis avec Kous, enchanté. On a les deux pieds devant le dé. Tu nous vois taper la mélo, mais crois-moi qu'on peut gifler sans chanter. Pour pêcher des grosses folles, j'ai le dernier maillot de l'Algérie. J'roule ma vie, la dose est forte. Prends mon numéro de chambre, le sang. Le sang de la veille, Paris, Lyon, Massilian, c'est juste Montpellier, Carcassonne, en buvette sur la corniche. Grosse folle, en buvette sur la corniche. Grosse folle, en buvette sur la corniche. Sur la corniche. Grosse folle, en buvette sur la corniche. Sur la corniche. Grosse folle, grosse. Les pieds devant le déchet montant, je regarde Fécher faire des burn-up McLaren au milieu du rond. Demandez. Je reprends les devants, je me demande si la concurrence a le boule assez large pour encaisser mon point. Boug en moins. Je garde avec, je retourne buter sur le terrain. Quand vu les gars, pussy bitch. On a dégainé les guns quand on a fait des gains. Dégain. Je suis en vite au fond du cabaret, je bouge les bras, firatal, j'ai le soir Greta Thalia. Ouais, ouais. J'ai le mental, ça va Stano sur Paris, c'est la Gomorra, Sabla Chichi, Sabla Italy. Pico, j'ai l'alligator sur le polo, je passe les rapports sur la corniche, alligator cabron. T'as vu la Maxima tort, t'es tout pas l'eau pélo, mais t'es là, tu joues les capotes. Toi, rien, tu pas faute. J'ai ce qu'il faut dans la sacoche, amener ce gars la mêle de bouche, pas racheter le cela. J'arrive chez elle et mes chiens, accueille Big Lemsi avec une Big Lersa. Avant que je te casse ta gueule à l'entrée du Hainout, ramène mes papiers. Ramène mes papiers. Tu casses devant Vendée, ta meuf elle sent le foot, espèce de papier. Espèce de papier. Yeah, how? Merci la famille. Adal. Adal est dans les bacs. Adal. Mon gars Heus, yeah. Le sang. Le sang. Mon DZ, on est là. Derrière DZ, mon frère. On est comment ça se passe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Toute la famille du sud là, tout le monde. Aïe, aïe, aïe, on est là. Ensemble, les gars. Ça, c'est un extrait de la mixtape qui est dispo depuis aujourd'hui. Voilà. Atal, les frères Lumière avec nous. Volteface, Ice Lemsi. Toujours là, présent, toujours présent. Ils sont là avec nous, ils nous présentent justement cette mixtape qui est dispo. Alors, qui dit mixtape dit forcément aussi la suite. Ouais. Ça exactement. Va être quoi pour vous la suite? Il y aura forcément un album? Bah écoute, pour l'instant, on est encore vraiment. Tu vois, le projet est sorti aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train de se rendre compte du travail qu'on a fait sur la mixtape. Et j'ai l'impression que vraiment Adal a de beaux jours devant lui. Exactement, j'espère en tout cas. Et bah continuez d'ailleurs à réagir, à balancer des messages, on vous suit sur hashtag les. Adal. En tout cas, sachez qu'on va continuer à balancer des sons comme des oufs continuellement pour rien du tout. C'est donc, vrai ouais. Ah ouais. Là vous êtes dans cette dynamique. Voilà, c'est une nouvelle productivité, exactement. C'est comme ça. Donc c'est en studio régulièrement. Voilà, en studio régulièrement, j'enregistre, Volt enregistre, on clip. On balance sur YouTube et stop. Est-ce que aussi en parallèle vous pensez à vos solos respectifs ou Ouais, bien sûr. Après voilà, nos deux carrières ne font plus qu'un. Tu vois? Exactement. Dans le sens où voilà, on a toujours été ensemble. Là, on a fait une mixtape ensemble. On s'est donné comme des oufs dessus. Donc voilà, qu'on fasse des solos, qu'on continue avec des mixtapes en commun, des albums en commun, bah je pense que ce sera la continuité logique de tout ça. Bon, en attendant, il faut donc profiter pour résumer d'Adal, qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Ouais. Exactement. On repart sur une nouvelle session. Et là, ça va bouger à mort. Là, Tony Montaigne. Là, vous êtes. Qui nous dit un mot sur ce morceau, Tony Montaigne. Tony Montaigne, c'est une autre facette de moi, en fait. C'est un solo. C'est ma facette parisienne à l'état voilà. Pur. Le vrai mec de Paname du 7-5. Les yeux écarquillés. Qui aime bien s'ambiancer un peu. Les yeux écarquillés sur les quartiers riches depuis ma plus tendre enfance. Tu vois, j'ai toujours rêvé. Elle m'a toujours fait rêver l'avenue Montaigne, en fait. Le 16e, le 8e arrondissement. Voilà, c'est des endroits que je kiffe. Même aujourd'hui, j'y passe beaucoup de temps. Et bah, c'est résumé dans un morceau. Exactement. Nous sommes au cœur du 16e arrondissement. Reste branché, la session va être lourde. Sacré Tony Montaigne. Là, ils en mettent du temps là pour un cocktail. Tranquille, Tony. Hey, ils vont entendre parler de moi ici. Serveur! Qui veut mon pouvoir repartira comme tel. Je suis Tony Montaigne. J'ai changé d'avis, je n'aime plus ce cocktail. Je suis Tony Montaigne. J'ai engagé cette fille juste pour rouler mon terre. Je suis Tony Montaigne. J'ai même un larbin pour me tenir mon tel. Je suis Tony Montaigne. Saint-Honoré, Concorde, Alma, Champs-Élysées, avenue Montaigne. Trocadéro, Passy, Plaza, Neuilly, Jasmin, avenue Montaigne. Tellement riche, tellement ville, tellement peigne. Coucou, Tony Montaigne, Tony Montaigne, Tony Montaigne. Je viens de faire scandale à la réception, je suis Tony Montaigne. Ça fait une heure, j'appelle room service. J'ai connu quelques déceptions, j'ai bientôt la trentaine. Des véhicules appartant ma possession, je peux pas dormir sans ken. Mon oseille dort loin de la récession, je suis Tony Montaigne. Avenue Montaigne. Pose pas trop de questions sur mon living room, sur ma vie privée. Je suis parano. Je déteste attendre, elle émane-toi le cul, je peux te faire tirer. Juste pour info. Ceux qui m'envient critiquent ma vie sur Twitter. Y'a qu'une bouteille sur leur table quand je les croise au Titi Twister. J'achète qui je veux quand je veux, j'ai le pouvoir. Je ne tolère pas ces remarques, elle va rentrer à pied. Prends ce billet de 500, on refuse le pourboire. Si ton nom aura plus de valeur qu'un bout de papier. Rolex, mocassin, marron, du caviar, des truffes, des macarons. Le Matignon, le Montana, le baron. Mes comptes sont carrés, je tombe pas. Tony Montaigne, qui veut mon pouvoir repartira comme tel. Je suis Tony Montaigne. J'ai changé d'avis, je n'aime plus ce cocktail. Je suis Tony Montaigne. J'ai engagé cette fille juste pour rouler mon terre. Je suis Tony Montaigne. J'ai même un larbin pour me tenir mon tel. Je suis Tony Montaigne. Saint-Honoré, Concorde, Alma, Champs-Élysées, avenue Montaigne. Trocadéro, Passy, Plaza, Neuilly, Jasmin, avenue Montaigne. Tellement riche, tellement ville, tellement peigne. Tony Montaigne, Tony Montaigne, Tony Montaigne. Pour démarrer la journée, je lis le journal en mangeant mes œufs d'esturgeon. Du caviar. Piaille les mésanges, mon miel fait toujours butiner les bourdons. La cadillac. Mon parking privé se faible pour mes voitures de collection. C'est familial. J'ai l'air d'un héritier, mais ma carrière a démarré. Formidable. Fais mousser le champagne, tu penses me michetonner, je sais que tu sens belle. T'es juste ma bitch. Allez, mine-toi, tu ramasses tes affaires, tu m'as déjà fait moucher la chandelle. Je te prends un itch. Comme je parle 5 langues, je les attrape au Sacré-Cœur. Je peux prendre un billet d'avion juste pour faire venir le traiteur. Oh. Dans le milieu mondain, tout le monde connaît mon Kenya. La haute bourgeoisie, l'adulte pour y gâter. J'ai besoin de rien, je peux laisser sonner mon tel. L'ami, si ton compte est un sec, j'ai de quoi l'hydrater. Je me vois comme une tumeur, j'ai l'impression que mon bonheur tue leur espoir. Ils savent que je suis ce winner. Arrogant, plus parisien, tumeur. Tony Montaigne. Qui veut mon pouvoir repartira comme tel. Je suis Tony Montaigne. Tony. J'ai changé d'avis, je n'aime plus ce cocktail. Je suis Tony Montaigne. Tony Montaigne. J'ai engagé cette fille juste pour rouler mon père. Je suis Tony Montaigne. Oh, mes petites locales des quartiers chics. Aïe aïe aïe. Je suis Tony Montaigne. Saint-Honoré, Concorde, Alma, Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Crocadéro, mes petites bourgeoises. Neuilly, Jasmin, Avenue Montaigne. Celle-là, elle est pour vous. Tellement riche, tellement ville, tellement Montaigne. Tony Montaigne. Tony Montaigne. Tony Montaigne. La la la la la, jeune et riche, la vie est belle. La la la la la, je suis sur l'avenue Montaigne. La la la la la. Yeah. Woo! Qui veut mon pouvoir repartira comme tel. Je suis Tony Montaigne. Tony. J'ai changé d'avis, je n'aime plus ce cocktail. Je suis Tony Montaigne. Avenue Montaigne. J'ai engagé cette fille juste pour rouler mon terre. Je suis Tony Montaigne. Tony Montaigne. J'ai même un larbin pour me tenir mon tel. Je suis Tony Montaigne. Saint-Honoré, Concorde, Alma, Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Trocadéro, Passy, Plaza, Neuilly, Jasmin, Avenue Montaigne. Tellement riche, tellement ville, tellement teigne. Tony Montaigne, Tony Montaigne, Tony Montaigne. Coucou. Sur Skyrock. Wouh. Bonsoir. Hey, loca, ma loca, où que tu sois, déhanche-toi. Loca, loca. Pour t'avoir, je serai jamais fatigué. Je pense à toi toute la nuit, j'endors mal. Je me sens mal, du mal à m'appliquer. Tu le vois pas car pour toi c'est normal. J'ai pas de doute, j'ai pas de doute. Aucune femme prendra ta place. Pas de doute, j'ai pas de doute. C'est sûr là, je suis piqué. Pour toi, je serai capable de tout donner. Loca, loca. Adam. Aïe, aïe, aïe. le fruit du démon. Là on passe à célébrer, hein. Planète rap, 100% rap français. Esprit noir, ça c'est du sale, ça c'est du lourd. Mon gars, esprit noir, mon gars à brutal, défini dans les bacs, allez le chercher, hein. Je ne sais qu'aille. Ce qu'on aime faire, yeah, c'est de l'espèce. Wally. Aucun adversaire. Celui qui veut tester n'a qu'à essayer. Elle a pris ton portable, elle a vu les messages. Dis-moi c'est qui cette gola. Réponds-moi non faut pas bégayer. J'ai pas envie de me barrer. Ce soir on s'enchaîne. Ne viens pas me parler. Me prends pas la tête. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. J'ai mis mon dernier parfum. J'ai mis mes dernières salles. Aujourd'hui jusqu'à demain. Toute la nuit. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Je suis pas dans la friend zone, je suis dans la surface. Viens rejoindre à Boulem si esprit volte face. Pour l'occasion, j'ai mis ma tenue la plus classe. La Cyrock, je la vois. La petite, je l'angoisse. La petite, j'ai croisé la bague, j'étais sur l'allée. Alors que je savourais cette ganja, je n'avais même pas mes papiers. Ils m'ont sorti de la grove à mon balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer, balayer. Moussa m'a dit tu bouges comme un Sénégalais. T'es arabe loco, tu connais les bonnes vibes. Sa petite a kiffé mon pas, elle m'a regardé. Elle m'a dit Ice, non c'est trop là, t'as envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé, envoyé. Je fais bouger la tête. Ce soir on fait la fête. Mais je suis toujours le même, eh. J'ai pas retourné ma veste. Les gens parlent sur moi, mais je calcule pas. On est trop côté sur Ripa. Je suis romantique, t'es à l'héritage. Mais si tu me trompes, chérie, tu vas dégager, dégager, dégager, dégager, dégager, dégager, dégager. Dégager, dégager, dégager, dégager, dégager, dégager, dégager. J'ai pas envie de me barrer. Ce soir, on s'enjaille. Ne viens pas me parler. Me prends pas la tête. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. J'ai mis mon dernier parfum. J'ai mis mes dernières salles. Aujourd'hui jusqu'à demain. Toute la nuit. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Yeah, yeah, yeah. Mon ami, esprit noir, lève-moi ton verre, allons trinquer. Hands up, mamacita, viens sur la piste, allons danser. Hands up, détends-toi papy, esprit, t'as levé tes eyes dans le club. Je veux pas qu'elle bégaye, je l'emmène au fumant prendre une club. N'écoute pas ce que l'on dit, j'ai des all eyes on me. La gosse se déhanche comme au Kéodi. Ce soir on va picoler, picoler jusqu'à que tout le monde s'adapte. Hands up, picoler, on va y jusqu'à que tout le monde s'adapte. Hands up. On vient pour t'oublier, t'oublier, t'as cassé le bail. J'ai pas envie de me barrer. Ce soir on s'enjaille. Ne viens pas me parler. Me prends pas la tête. On va célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. J'ai pas envie de me barrer. Ce soir on s'enjaille. Ne viens pas me parler. Tous les gens à qui c'est l'anniversaire, la fête de mettre un son. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Il faut célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. J'ai mis mon dernier parfum. J'ai mis mes dernières salles. Aujourd'hui jusqu'à demain. Toute la nuit. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer justement la sortie d'Adal dans les bacs. Volte-face, Ice MC, les frères Lumière avec nous. Ah ouais, gros son, gros son. Morceau gros son. Avec Aboutal, morceau noir. Esprit Noir aussi sur ce morceau. Ouais. Très lourd, très lourd. Voilà, on avait envie de se lâcher un peu. On a fait un morceau de type afro un peu. Comme je t'ai dit, il y a à manger pour tout le monde. On est très éclectique. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur. Tu vois, il y a de tout, du reggaeton, de l'afro, tu vois, des trucs plus live, plus calmes. Ah, c'est une mixtape, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, mixtape. Ah, voilà, tu vois, on peut se lâcher. On montre ce qu'on a dans le ventre. Et un petit mot aussi. Donc on disait sur le projet, donc il y a Boutal, il y a Esprit Noir, il y a d'autres personnes aussi dessus qui sont présentes. Il y a Crane Max, un mec ouais, Crane Max qui arrive, qu'on va écouter après. Très très lourd. Qui est un pur produit du 17ème voilà. Et qui arrive vraiment très très fort. Il va monter en flèche. Monter en flèche. On tenait vraiment à le mettre justement sur cette mixtape. Voilà. Voilà. Et Abdallah. Il y a Abdallah. Il y a Abdallah aussi. Il y a Abdallah, attention. Gros morceau avec Abdallah. Abdallah, la famille. Aïe, aïe, aïe, Abdallah, il est chaud. Abdallah, le fou furieux. Aïe, très, très chaud. À chaque freestyle, il finit en garde à vue, ma gueule. Et bah, la peur de rien. Oh merde. Un vrai artiste, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'on l'a invité. Gros big up à lui. Voilà. Gros big up à toi, Abdallah, mon frérot, si tu m'écoutes. Et merci de nous avoir accordé ce feat, vu que c'est le premier qu'il fait en plus. Bah, il a jamais fait de featuring. Il y en a plein qui l'ont demandé, il a jamais fait. Parce que il accorde pas aux autres délires, il a un univers. Particulier. Propre à lui, tu vois. Voilà, ouais, il est propre à lui. Et il mais au final, on a réussi à brancher nos univers. Ça a fait un gros morceau. La Nocturne avec les Frères Lumière, on repart pour une dernière session. Le morceau C'est ma vie, c'est ça ? Ouais, c'est ma vie. Le morceau, c'est avec Crane Max, comme je disais, qui s'appelle C'est ma vie. Et vous allez voir le talent du 17ème. Crane Max. Sahem. Jet Yes. Yeah. Crane Max. Ice Lem 20-3. À midi je monte sur le rinté, je roule direct un solitaire. Pour qu'on arrête de se tirer dessus, faut plus qu'un concert solidaire. Mon pote en HP me reconnaît plus sous l'effet des somnifères. Et comme un rat, tu penses aux arrivants dans le fond de la souricière. On rêve d'une meuf qui a jamais su, c'est pour aller des nouveau-nés. Mais on claque le bénéf dans le Novotel. On se retrouve donc avec une pute qui veut se refaire un nouveau-né. Et qui prendra ton banquier pour le Père Noël. Alors ferme-la, ne me demande pas d'où vient la coke porte. La mule. On est passé par la grande porte. T'as des années-lumière de ce que peuvent colporter ces cloportes. J't'allume. Si tu portes l'œil chez nous, tu rentres borne. J'porte un toast à mes amours, à mes ennemis. Toi, tu disparais pour un demi, tu fais l'œil ou vois. Au pire des traîtres, il arrive la pire des ermites. Quand faut en découdre, tu cours, tu fais la courva. On est prêt pour la guerre, celui qui veut la faire va devoir descendre mes partenaires. La guerre, la guerre. Tout le monde te tend la main quand t'es debout. Y'a plus personne quand t'es par terre. À terre, à terre. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Oui, c'est ma vie, je traîne seul tard dans la nuit. C'est les tristesses interminables. J'ai vendu la dope dans l'anonymat. 7000 casquets, j'arrive sans permis. Les fusils à pompe sous l'imperméable. Mon écriture frôle la mélancolie. C'est pour mes crânes rasés comme Fégouli. Plus d'une fois menottés par les flics collés. Les petits du quartier préparent les colis. J'me roule un pilon puis j'retiens collant. Des fois j'me dis qu'il faut que j'les abatte. Des fois j'me dis qu'il faut que j'étudie le Coran. J'y pense en attendant mes clients dans un bac. J'ai fait grimper mon taux d'alcoolémie. Et cette bitch dans un cap. Au fond du carré vite, ils cotisent à 7 pour une taille sur la table. On est prêt pour la guerre, celui qui veut la faire va devoir descendre mes partenaires. La guerre, la guerre. Tout le monde te tend la main quand t'es debout. Y'a plus personne quand t'es par terre. À terre, à terre. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Je vais te montrer comment faire. Ma carrière, un fusil, la tienne à lance-pierre. J'découpe ton rappeur devant la France entière. Après-demain, tu seras là où j'étais avant-hier. Dites aux ennemis qui veulent viser mon torse. Que l'ami fait moi, on n'a pas peur. Tu pourras jamais tirer sur mon gosse. Vu qu'il sort de la chatte à ta sœur. On va te repasser si tu sors le fer. On va te repasser si tu sors le fer. En guerre contre les femmes comme la Palestine. C'est peut-être pour ça que j'ai un cœur en pierre. J'aimerais savoir pourquoi tu parles de moi. J'aimerais savoir pourquoi tu parles de moi. J'encule sur la prod même si t'enlèves le beat. T'inquiète pour t'enculer, me reste encore le doigt. On est prêt pour la guerre, celui qui veut la faire va devoir descendre mes partenaires. La guerre, la guerre. Tout le monde te tend la main quand t'es debout. Y'a plus personne quand t'es par terre. À terre, à terre. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. On est prêt pour la guerre, celui qui veut la faire va devoir descendre mes partenaires. Tout le monde te tend la main quand t'es debout. Y'a plus personne quand t'es par terre. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Oui, c'est ma vie. J'traîne seul tard dans la nuit. Yeah. Adal, aïe, aïe, aïe. 100% Crane Max, mon BZ. 100% explicite lyrics. Bon, ça c'est en dehors de la mixtape, mais c'est validé. Pour tous ceux qui ont trouvé celle qu'il fallait, pour toutes celles qui ont trouvé celui qu'il fallait, t'es pas comme elle. Je vole de fleur en fleur afin d'en récolter le pollen. Je voulais t'emmener danser on a Tuesday comme ma connaît. J'ai dégainé cette Lamborghini pour toi, mais t'es pas comme elle. Ah non, t'es pas comme elle. Maloca, t'es trop bien pour moi, l'amour dérange les connards. À tes côtés, je mets de côté mes anxiétés, mes colères. Je voulais t'acheter plus belle robe chez Colette, mais t'es pas comme elle. Ah non, t'es pas comme elle. Loca, j'ai pris cette paire de Balenciaga pour ton petit ref. Je voulais faire de toi ma meuf pour t'aimer te couvrir de rose. Je voulais camoufler mon œuf et ma constante au Fenty 9. Mais toi t'es pas comme elle, ma loca, je parle en connaissance de cause. Je voulais juste faire une pause, t'emmener sur Galerie Lafayette. On vivra chez les Esquimaux. Si t'aimes pas les strass et paillettes, non. Je fais des sous-vêtements. Pourtant la vie c'est maintenant. C'est pas qu'une histoire de drinking love en sous-vêtements. Là je m'attache, c'est même pas pourquoi. Sache que mon ex te fait pas le poids. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Je peux changer ma life de you voir. Entre nous le passé ne compte pas. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Je vole de fleur en fleur afin d'en récolter le pollen. Je voulais t'emmener danser on a Tuesday comme ma Conan. J'ai dégainé cette Lamborghini pour toi mais t'es pas comme elle. Ah non, t'es pas comme elle. Maloca, t'es trop bien pour moi, l'amour dérange les commères. À tes côtés, je mets de côté mes anxiétés, mes colères. Je voulais t'acheter plus belle robe chez Colette, mais t'es pas comme elle. Ah non, t'es pas comme elle. Je suis complètement décalé. Je fais briller les xénons sous les palmiers. Celle qui peut te concurrencer n'est pas née. La seule reine qui refuse d'avoir un palais. Je suis complètement décalé. Je fais briller les xénons sous les palmiers. Refuse d'avoir un palais. Là je m'attache, je sais même pas pourquoi. Sache que mon ex ne fait pas quoi. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Je peux changer ma life de you voir. Entre nous le passé ne compte pas. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Yeah. T'es pas comme elle. T'es différent de toutes ces femmes. T'es pas comme elle. T'es pas comme elle. T'es pas comme elle. Yeah. T'es pas comme elle. Là je m'attache, je sais même pas pourquoi. Sache que mon ex ne fait pas le poids. Ne fait pas le poids. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Je peux changer ma life de you voir. Entre nous le passé ne compte pas. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Toi t'es pas comme elle. Oh Adal. Aïe aïe aïe. Toujours dans les bacs. Aïe aïe aïe aïe aïe. Toi t'es pas comme elle. C'est à vous la famille. Aïe aïe aïe. On lance le dernier son. Si tu l'as trouvé, dis-lui ma gueule. T'es pas comme elle. Attrape-la. 100% rap français. Planète. Wouh. Les lèvres le matin. Mais rien. Eh hey, mon gars Abdallah, ce soir, c'est pour toi mon refrain. Mon gars Abdallah, mon refrain de Beyrouth. Force à lui. Mon refrain du Liban. Grosse grosse force à lui mon bico. Aïe aïe aïe mon gars Abdallah. C'est parti. Elle a fait de la route comme un sous traclé de bras. Je lui ai mis ses neuf hooks. Bisous bonne nuit. Toi tu t'écoutes, t'es accro que crash. T'envoies Captain Cook. T'as des insomnies. Captain Cook. Sur l'autoroute y'a la guardia. Tout d'amener la tempête. Bisous bonne nuit. Tu critiques ton pote mais tu restes sa meuf. T'es un bichon comme lui. Folie narcissique algérienne que je transcris. Je rédige des vérités car les rêves transpirent. Quand je trouve pas l'inspire, je peux rouler jusqu'à 30 pics. Ramène-moi mes papiers ou je te shoot comme Smith. Quand je suis sous champagne, c'est Ritado. Va dire à ta girlfriend, j'ai son petit cadeau. Arrête-moi si tu peux, commissaire, t'as pas le cardio. Ils sont millionnaires, mais ils baissent des ados. Je suis sur la croisette, en buvette. Avec ta remet la cagole côté passager. Tu joues trop le gangs quand t'es dans le tiers. Mais tu viens nous sucer la bite pour qu'on te passe un jeu. Rares sont les picots que la juge libère. J'ai de la lica dans la vésicule biliaire. Je suis pas là pour chialer qui a le plus souffert. Font rap conscient et concurrence. Victime à des années-lumière. Lèche coup, bite le truc. Redois, tu vas me laisser le trognon de la pomme. Chériki, ça tu fais la tonne. Tu pèses moins qu'une miche, ton terre, cher attendre. Je veux ken la matonne. Oh là, ils ont mis. Je te souhaiterais pas de mourir dans ton lit. Wouh, wouh, j'ai pas dormi. Si tu m'aimes pas, moi, bisous, bonne nuit, sale fils de pute. Je suis dans le pleurant pour la moula. Moula, la moula. Pour mes halles, bouche, mes halles, poula. Voilà. Je reviens dans le game vénère comme à l'ancienne. Et c'est juste pour leur faire la bamboula. Ouais, je dis coco, bouge ton boulard. Oui. Pour les frères lumière, Abdullah. Oui. Papa est là pour éteindre la lumière. J'appuie sur la gâchette. Il fait tout noir. Bisous bonne nuit, bisous bonne nuit, mouah, mouah. Bisous bonne nuit, bisous bonne nuit, bisous bonne nuit, mouah, mouah. Bisous bonne nuit, bisous bonne nuit, bisous bonne nuit, mouah, mouah. Bisous bonne nuit, je viendrai te chercher même dans ton lit. Dis que je vais te soulever pour un tronc-lit. Yeah. Donc toi tu veux la guerre, va falloir assumer, c'est l'heure de la tempête. Pa, pa, pa, pa. Sur l'instant t'es parfaite, en vrai j'ai plus vu ta chatte que ta tête. Je suis meilleur que ton père, je suis meilleur que ta mère, je suis meilleur que ton fils. T'esquiveras pas les balles dans ma matrice. Va te faire mettre toi et ton contrat d'artiste. Saïta m'a pris du poids, je t'attends quand tu veux en tête à tête. Bisous bonne nuit, je t'allumerai dans ton lit. J'attends pas samedi soir pour faire ta fête. Pour rien les petits s'entretuent. Je te cache pas qu'ils me laissent plutôt perplexe. Et je vois que les femmes sont focus. J'ai même du mal à tomber sur des vraies bzaises. Ah, on kick le même beat, on a pas le même sexe. Tu dis que t'as un sacré cœur, en vrai t'es qu'un vieux porc comme à Marseille. Ah, tu lui offres des t-shirts pendant que Marcel. Si t'es pas une puce, j'assure que je te quitterai pas comme Jacques Brel. Brel, t'es mon ennemi donc je vais te laisser sur le deck. Vu qu'elle kiffe ma musique, je leur laisse faire de la flûte avec mon zgeg. Zgeg, ce que tu fais, je te fais un cloche-pat. Toujours du blé dans la poche droite. Je suis le genre de mec que tes potes draguent. La moula, la moula. Pour mes halbouches, mes halboules. Voilà. Je reviens dans le game vénère comme à l'ancienne. Et c'est juste pour leur faire la bamboula. Ouais. Joli coco, bouge ton boulard. Oui. Pour les frères Lumière, Doula. Oui. Papa est là pour éteindre la lumière. J'appuie sur la cachette. Il fait tout noir. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Moi, moi. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Moi, moi. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Moi, moi. Bisous, bonne nuit. Je viendrai te chercher même dans ton lit. Dis que je vais te soulever pour rentrer au lit. Demande pas ce que j'ai bu. On m'a mis quelque chose. Abdallah. Quand tu me parles en rébus. Quand tu me fais quelques pauses. Je te mate depuis le début. Maintenant faut que t'oses venir à tabler. Venir me parler. Jamais en qualité. Sans jouer, je suis qualifié. Copie à revoir, je ne l'avais pas validé. Tu vas mourir de vanité. Tu vas mourir de vanité. N'oublie pas l'accent aigu. À Abdallah maniqué. Pour la moula, pour mes soeurs qui portent le foula. Pas d'issue, elle t'a un balai dans le cul. Mais ça ne vole pas haut comme un poutre là. J'ai péché mon seigneur, ta foula, ta foula. J'ai péché mon seigneur, ta foula, ta foula. Dans la chalière, à mieux vaut bouffer du parc que de bouffer la gueule, je n'ai d'un bout de la. Amen. Je balance des peines, j'aime de mort si tu capes. T'as une sale gueule, bah t'as qu'à faire du dab. Tu prends en snap pour me dire que tu rappes. Est-ce que tu vas au loup pour leur dire que tu graffes? Aïe, aïe, c'est vol de face, mon gentiment. Conviens à table. Pas les biens que je bouffe la prod pour que je prouve que je crève la dalle. Rangedeng. Aïe aïe aïe, mon gars Abdallah. Mon gars Abdallah. La Nocturne. Avec les frères Lumière. Et ça, c'est un extrait que vous retrouvez sur Adal qui est dans les bacs depuis aujourd'hui. Voilà, ça fait plaisir. Ça, et fait bah, plaisir. Ça faisait plaisir de vous avoir dans l'émission. Je voulais faire une grosse dédicace à toute l'équipe aussi. Tous ceux qui ont travaillé avec nous sur Adal, du premier au dernier, en n'oubliant personne, j'espère. Voilà, donc grosse dédicace à Dawid, à Adèle du studio Hilltop. Grosse dédicace à Myself, à Ben de All Kids. Grosse dédicace à vous, merci les frères. À Will Star. Voilà pour ses prods. Grosse dédicace à Richie Beat, qui a fait le son hashtag, qui est énorme. Voilà. Grosse dédicace à tous les beatmakers qui ont participé. Voilà, qu'on ait pris leur prod ou pas. Voilà. Au projet. Qui ont dédicace, nous aider. Voilà, dédicace à Dreamcut aussi. Dreamcut qui a envoyé sur Obligado. Il y a Will Star aussi. Will Star. Ah, c'est Star. Dur d'oublier personne. Hein. Ah, c'est vous êtes mis dans une galère, les gars. Hein. Là, merci à tous, les gens qui nous ont aidés de près comme de voilà, loin. Et voilà, et surtout à Chris ETMG, toute l'équipe ETMG, Pyroman. Voilà, Gary Wide, tous les gens qui ont bossé. Chapeau. Très important de préciser qu'ils ont fait beaucoup de prod. À Jammy Jam qui a fait les mix, des mix qui sont vraiment très bien faits. Merci à Glenn pour les clips. Merci à Glenn Smith pour les clips. À Gretzky. Ouais. À Gretzky aussi, merci voilà. À toi. Merci à Screech de Demolition. Merci aux invités, aux featuring, à tous les gens qui sont venus. Featuring, merci à Cranmax. Cranmax, mon frère, tu vas tout niquer. Tu t'es fait tout seul, t'es là avec Jetlias et tout le monde, ça tue. Voilà, gros big up à toi, ça tue. Yeah, force à toi, mon gars. Ensuite, grosse dédicace à Abdallah. Voilà, le son était très très lourd. Grosse dédicace à toi, mon gars. Merci à toi. Voilà, grosse dédicace à Esprit Noir, à Aboutal. Aboutal, Esprit Noir. Bien sûr. Et j'en place une en même temps à Dadju. T'as capté. À Dadju aussi, obligé. Voilà, big up à Wachibé même, en fait. Voilà, tout le Wachibé, tout le Wa, toute l'équipe du Voilà, qui a toujours été derrière nous, voilà. Ça fait plaisir. Force à eux et puis voilà. Et bah merci à vous en tout cas et force à vous. Donc le projet dans les bacs. Attends, depuis aujourd'hui. Attends, j'ai pas fini, frère. Dédicace pardon. À mon gars Ous. Pardon, pardon. Mon gars Ous. Mon gars Ous. Dédicace à toi, mon gars. Voilà, les frères de Fréjus. Là, on peut y aller là. C'est parti. Merci en tout cas. On rappelle que c'est dans les bacs depuis aujourd'hui qu'on peut aller le chercher tout de suite. Hein. N'hésitez bien pas. Yeah. Allez, cliquez. Vous pouvez aller le chercher. Vous pouvez y aller, y a pas de problème. Allez-y. Et bah merci aux frères Lumière. Merci Ice. Merci Volteface. À très vite. Merci à vous. À très vite, mon frère. Pour la suite des aventures. Merci d'avoir invité. Ciao. Ciao. Ciao. Planète rap, 100% rap français. Allez, on continue la nocturne. Après la spéciale des frères Lumière, voici Monsieur MHD qui débarque dès lundi dans Planète Rap, 20h-21h. Fuck le reste. Mon banquier m'envoie des textos depuis j'encaisse des chèques. les aligner, les mettre corps là, ensuite je rentre chez moi. Checks. Dans la même journée, on va 32 checks. J'ai pas zappé ma paye, le bénéfice, je te mets sur le tech tech. Je fais les bons choix, c'est les vrais qui me suivent. Pas les becs, je me démarque, le rap n'est qu'une question de survie. 2016, MH chien les rênes. Retrouve-moi en top playlist ou dans mon 19ème. De la front trap. Non, j'ai pas pris la grosse tête. J'prends la 2 entre Best Buy et je reste. 19ème, c'est ma zone et c'est tout ce que j'aime. Bah, qui dit là que j'suis pas là. J'termine le projet entre deux dates, gros. Et c'est pas facile. On reproduit le move de toutes les villes. Tout est parti d'un freestyle à l'hôtel. Entre moi, j'ai fini sur un zénith. C'est le staff qui paye. Maintenant, j'peux dormir sur mes deux oreilles. Et y'a pas de secret. J'me suis méfié des traits et des conseils. Arrive dans une semaine, MHD à découvrir dès lundi 20h-21h dans Planète Rap. Roger Mila à l'instant. Sultan est bien bon. Lui aussi était invité cette semaine, l'album est sorti aujourd'hui. On l'écoute dans la nocturne 100% rap français. Ma voix pointe ses tétons, j'ai pas besoin d'aller lui payer du Louis Vuitton. Je m'adapte, je suis doué, même si Skyrock veut pas jouer. Je suis un ancien écroué, à Fleury Méro, je n'avais pas de bouée. Y'a des hommes et des pétasses, y'a des hommes et des chicas. Dans tous les domaines, j'suis efficace. Elle m'a tendu ses fesses pour une dédicace. Faut pas vous faire des idées, j'peux lui jacter sans vouloir la niquer. Écoutez la vérité, ils m'ont sauté, mais j'ai pas paniqué. Les poteaux sont libérables, oui, c'est bien bon. Milliers d'euros sur la table, oui, c'est bien bon. Les deux, je mets pas ta cab, mais c'est bien bon. Que des meufs potables, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Quand tu portes tes couilles, ouais, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Si ça passe la fouille, ouais, c'est bien bon. C'est bien bon, fais pas le con. J'invite à ma table que des bebons. Mon paquet béton, c'est le démon. Tu pas, je suis ton pote, tu me connais que de nom. Moi, j'ai toujours eu la leda. Comme à l'heure dit, chargé depuis Meda. La vengeance sera ton repas. Je suis en 10 dans les rues de Nieuba. Même si ça va pas, je serai toujours là. On est des virus d'Arebola. Maman fait un western, faut des dollars. A tous ceux qui me sentent que moi, je crase les mots là. Faut pas vous faire des idées. Je peux lui jacter sans vouloir la niquer. Écoutez la vérité, ils m'ont sauté mais j'ai pas paniqué. Les poteaux sont libérables, oui c'est bien bon. Milliers d'euros sur la table, oui c'est bien bon. Les deux je mets pas ta cab, mais c'est bien bon. Que des meufs potables, c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Quand tu portes tes couilles, ouais c'est bien bon. C'est bien bon, c'est bien bon. Si ça passe la fouille, ouais c'est bien bon. Yeah. Bon, c'est bon, c'est

machine bat dédication live la planète Vegeta. Je laisse vos petites en l'air car un bureau twerka. Pour WAM j'ai le bangala délicat. Je vous présente mon Beretta Gonzo parce que je le vaux. Les jaloux laissent des impacts sur mon polo go. Petit pas d'Azonto, charisme à la Django. Quand c'est la pleine lune je deviens bonobo. Quand on m'appelle j'ai tu ça, je n'ai que ça. Et je fais ça dans la douceur, dans le coussin. Dieu m'a donné le juice, je veux tout ça. Bébé oui j'ai la peau douce, mama coussa. Un body de quiz. J'suis dans mon propre délire là où rien ne pourrait venir blaser oncle Div. Mais t'étais pas encore prêt pour ce genre de groove. Mais j'vous balance quand même le concept élaboré de mon dernier move. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala, Bangala, Bangala, Bangala, Bangala, Bangala. Qui t'y connaît comme Wamzer, hein? Devant la cuisse devient cardiaque. Yeah. C'est pas que je peux, c'est que je dois le faire. Hein? J'suis au max et puis les startups. Le rap est dans le coma, qu'ils avouent leur crime. Mourez sous mes teams, avec les vilaines que vous voulez pin, c'est l'ultime. Négro crazy à la Silo Green, j'suis pas van à la Billie Jean. Parfois je varie, je prends des skinny clean. Et mon public m'aime comme ça. Dans mon genre, je suis le king des styles. Pas caillé aux Philippines. J'aime la vie, Vance, encore un Rona qui danse. Tu sais, mon rêve, c'est d'être le canapé de mon face. Un body de quiz. J'suis dans mon propre délire là où rien ne pourrait venir blaser oncle Div. Mais t'étais pas encore prêt pour ce genre de groove. Mais j'vous balance quand même le concept élaboré de mon dernier move. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Les aventures Bangala. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. All Canary, c'est dans les bacs. Bangala, Bangala dans la nocturne 100% rap français. Voici Lorca maintenant. 100% rap français. Ça s'appelle Omax Lorca. T'inquiète, le poteau, on t'a pas oublié, c'est maintenant dans la nocturne. C'est 100% rap français. Je serai au max, j'ai pas qui frappera. Grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Au max, Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Au max, le rap game, je vais fumer, bientôt je serai le roi. Au max, un jour je serai au max, j'ai pas qui frappera. Au max, grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Au max, Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Au max, le rap game, je vais fumer, bientôt je serai le roi. J'essaie toujours de me mettre au max, mais c'est dur. Là, tout je viens, c'est le présent, pas le futur. Pas de cicatrices, que des blessures. Plus de 0,9 autour de moi que de cœur pur. J'enlève le grand sûr, qu'il se rassure. Je me trompe très rarement d'ennemis. Peut-être que j'ai pas encore percé dans le game. Car je suis pas franc-maçon ou Illuminati. Illumine ma team, regarde ma rétine. Mes yeux sont rouges comme le sang de mes victimes. Billets verts dans le jean, cher mon copine. Bébé viens au télo, je crois qu'on va faire un film. Nos vies ici c'est pas du cinéma. C'est les keufs derrière la caméra. Ça sent le coup fourré comme Mera. Cache la misérière derrière des carreras. Ratatata, ratatata. C'est le retour des lots. RCA, propager, partager, disperser ma zik comme on fait pour un litron de Serra. Écoute le son de chacune de mes rafales. Déjà prêt au cas où ça tourne mal. Ils veulent me supprimer comme un rafale. Bientôt je ferai plus de bruit mais qu'un avion rafale. un jour je serai au max, je sais pas qui frappera. Grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Au max, Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Le rap game, je vais fumer, bientôt je serai le roi. Un jour je serai au max, je sais pas qui frappera. Grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Le rap game, je vais fumer, bientôt je serai le roi. C'est le 9-5 dans tes écouteurs. C'est 3 minutes de sale, pas un quart d'heure. Moi je suis pas dans le game de tes rappeurs. Si je pédave plus, j'suis de mauvaise humeur. Arme de guerre au mental de tueur. Je préfère mourir sur un coup que de vivre les poches vides. Je fonce sous les charmes d'Aïssa, tout comme sous le soleil des Maldives. Passe décisive de DRF Beat. C'est pas le rap qui est mort, c'est Alibi. Bah en retraite, avant qu'on te calme. Prends ta retraite, comme David Beckham. Prends ta retraite, comme David Beckham. Mec c'est la guerre, depuis mon son sous Paname. Un jour je serai au max, je sais pas qui frappera. Grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Au max, Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Le rap game, je vais le fumer, bientôt je serai le roi. Un jour je serai au max, je sais pas qui frappera. Grosse yasse, grosse caisse, belle femme, pas une pute comme Elvira. Gucci, Prada, LV, pop, pop, Porsche, Panamera. Le rap game, je vais le fumer, bientôt je serai le roi. Au max, au max, au max, au max, au max, au max, au max, au max, au max, au max. Rap français, planète rap. La nocturne. Je roule un joint. Allez, allez. Je le fous. Allez, allez. J'ai rappé, caméra, caméra sur moi. Je vais kiffer les gosses et les ados. Je suis sélectionné dans la CLSAO. Je sens le bois d'argent, toi tu pulls au bas haut. Laisse-moi faire, j'ai la formule, laisse. Je vais les dépasser comme en formule 1. Toi, ton place face à la formule. Tu veux un futuring, rappeler le formulaire. Mais le chèque en pièce jointe et n'oublie pas le thème. Je suis réputé pour ne jamais me plaindre. Au couloir, au final, tu as porté plainte. Celui qui veut nous allumer, on va l'éteindre. Pas nous comparer à ces fils de top. Ici, c'est bon du Nord, bienvenue dans la jungle. J'ai des sublimes textes, tu vas subir, mec. Tu vas finir sous cache ton subutex. Paris va mal, Paris est stressé. Je prends des sous, je prends le temps d'apprécier. On voit les hagards, on voit les blessés. Comme à l'époque de Mafia 13. Tu veux un featuring, faut négocier. Tu veux un showcase, faut négocier. On n'a pas le temps, on est en train de bosser. Mais t'inquiète, on va traiter ton dossier. À Châtelet, les chacals continuent d'agresser. Augmente le son, il est compressé. Pareil qu'elle avant qu'elle a la chatte tressée. Qu'il suffit juste d'un gramme de CC. Oh mon dieu, que ce monde part en couille. Ils ont pété le plomb, ils ont craché les douilles. Ce monde est froid, ce monde est cruel. Tu peux te faire fumer dans une ruelle. Y'a des gosses qui meurent, alors regarde, regarde un peu Patrick Bruel. Donnez-moi le stade de France. Je vais allumer le feu. Comme Johnny Hallyday. Hallyday, je suis validé, t'as pas idée. Donnez-moi le stade de France. Je vais allumer le feu. Comme Johnny Hallyday. Hallyday, je suis validé, t'as pas idée. Donnez-moi le stade de France. Si tu veux que la terre tremble. Le 9-3 c'est chaud de portable. Le 3 avec ta laisse on t'étrange. Tous mes gravats sont étranges. Aliénés. On les baise, on les mange. On est aliénés. Aguerri, aguerri, aguerri, aguerri. C'est la haine quand j'avéris, avéris, avéris, avéris. J'suis venu pour les intérêts. J'suis venu pour les enterrer. Oui j'ai grave galéré. Ils m'ont pris pour leurs poteaux, wesh ils ont câblé. Il n'y a qu'avec l'oseille que je suis attablé. Je les fume en musique et c'est déjà assez. Y'aura pas d'orphelin, pas de femme accablée. Ils veulent me voir dans l'ombre, je vais y remédier. Ils aiment sucer des bites et c'est tout un métier. Je n'ai jamais voulu les rappeurs à mes pieds. Mais je suis le rappeur le plus photocopié. 100% rap français. Wesh Royce, dis-moi comment c'est. N'écoute pas les clés par capot, fais juste belle au lieu qui rugissent. Moi j'ai grandi dans la street et un fleurier m'érogise. C'est pas que je veux faire qu'à côté, mais non, je te laisse pas mon numéro mis. Je dois mettre l'oseille de côté. Ils sont tous au star, mais en mise. Ils comptent sur moi comme l'Hermès de peine. J'suis riche, j'm'en fiche, j'ai pas de fiche de paye. On me paye au black en showcase. Escorte et push-ca dans le top case. Nique sa mère qui veut test. J'suis tout spooky, mais j'vous baise. J'vous donne rencard à l'Everest. J'reste juste au-dessus en train de crailler des fraises. J'suis en altitude, mais gros changement d'attitude. Ego. Comme d'habitude, j'pétinerai plus ce sale bitume. Nego, j'suis en altitude. Nego, changement d'attitude. Nego, comme d'habitude, j'pétinerai plus ce sale bitume. Nego. Wesh Royce, dis-moi comment c'est. Dis que ça même pas encore commencé. Que Blacky, on a trop manigancé. Putain, on va pas recommencer. Le sommet pour nous est accessible. Nous dépasser Nego, c'est impossible. Impossible, j'suis dans le game pour commettre des homicides. Depuis peu, j'leur fais du mal. Depuis peu, je me suis fait la mal. J'ai appris que qu'il fallait faire la malade. J'suis impliqué dans un délire de malade. Dans un délire de malade. Ne me raconte pas des salades, my nigga. Que des salopes. Sa sortie, tu sais, tu galopes, my nigga. J'suis en altitude, les gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude, j'pétinerai plus ce sale bitume. Nego, j'suis en altitude, les gros changements d'attitude. Ego. Comme d'habitude, tu continueras plus de sale bitume. Déco. La plupart sont des mythos. Ouais, ils sont des mythos. J'pars sans faire demi-tour. Ils ont jamais rien fait, mais ça vend des mythes. C'est vrai que les gens sont devenus chelous. Chez moi, la brebis a braqué le loup. Même le guépard s'est fait mettre à genoux. Les haineurs voient bien, même sans raf le loup. C'est vrai que l'être humain, il est mauvais. Il est pas écolo comme José Bové. Il pense qu'à faire des lovés. Et il se repentit que quand il fait coffrer. J'suis en altitude, les gros changements d'attitude. Ego, comme d'habitude, j'pétinerai plus ce sale bitume. Dego, j'suis en altitude, les gros changements d'attitude. Ego. Comme d'habitude, tu continueras plus de sale bitume. Déco. Raisé en altitude, you en altitude. Que Black toujours en altitude, dans le coin en altitude. DJ Rise avec Mister You, Que Black à l'instant, en altitude dans la nocturne, 100% rap français. À venir, GLK dans la nocturne, Lil Taze, ou Lil Tazy plutôt. Connecté, ça arrive dans la nocturne, le hashtag c'est la nocturne sur Skyrock. Planète rap, 100% rap français. Comment ça se passe, Noko? Lil Tazy, baby, on est connecté, Y et W. Gainer les smartphones, 1, 2, 3, pré-snappé. Filme tout ce que tu fais à pied, en voiture ou en canapé. Je te raconte pas ma story, te voilà checker sur mon compte. Dedans y'a tous mes no-go, de façon s'éclater, y'a que ça vrai. De partout ça m'ajoute, je suis dans le collimateur. J'ai même des snaps de feu, mais pour mes homies mater. C'est promis ma sœur, je tiendrai pas ton truc sans le haut. C'est la folie, tout le monde est connecté sur le fantôme. Jeez. Fixe de l'instant, le selfie est peu proche, le pose sur Insta. Pas de filtre net, hashtag type peu de 15 ans. Pour s'occuper du topo, faut que je me procure un staff. Et si t'as une demande, n'hésite pas, envoie un Insta direct. Instable, il me reste presque plus de bâtons, on dirait. Qu'est-ce qu'on dit, mec? Les boîtes et les chaînes, t'en dis merde. Nous on fait ça professionnellement, donc laisse ton email. Snap, snap, snap, snap, snap, snap, snap. Si t'as pas 100 000 abonnés, elle zap, zap, zap. Pique et collégramme, tes fichas sur Instagram. Bourré, bourré, tes potes en film et bourré sur ma cadavre. Bienvenue dans le réseau, bah ouais, les techniques ont progressé. Désolé, ton pomme ne m'a pas trop blessé. Pas de parents ici, bah non, non, y'a trop d'excès. Donc envoie-moi un message quand t'es connecté. Connecté, on est connecté. Connecté, on est connecté. Hein? Ici, bah y'a trop d'excès. Donc envoie-moi un message quand t'es connecté. Batterie pleine, paré pour la journée. Je regarde si ma dernière publication a bien tourné. Mes amis virtuels exposent leurs problèmes constamment. Mais rien ne sait qu'on se lamente, le quotidien est troublé. Elle cache son visage pas très mûr. Sa rentrée en passé dur. Pour un 500 likes, 500 tonnes de fontaine, c'est pas très pur. Quitter FB, v'là les cures. Sans déconner, ça c'est sûr. Tout le monde raconte sa vie, frérot. J'ai des envies de casser ce mur. Y'a des XD, des LOL, de quoi faire péter les câbles à nos vieux. Qui rêvent tous en scred, de déplumer l'oiseau bleu. C'est grave odieux, la dignité, le respect. Tu fais entrave aux deux. Tweet, tweet. T'auras nos paroles, mais t'auras de toi. À critiquer chaque musique d'une lettre depuis que le soir. On trouve de tout sous la toile. C'est aux parents de voir comment la cybermaladie se soigne. Hein, aime-moi, partage-moi, retweet-moi, s'il te plaît favorise-moi. J'ai préparé ce nouveau morceau, je vais vous l'envoyer de suite. Tu peux me follow facilement, mais ce sera compliqué de me suivre. Snap, snap, snap, snap, snap, snap, snap. Si t'as pas 100 000 abonnés, elle zap, zap, zap. Piqué sur les grammes, tes fichas sur Instagram. Bourré, bourré, tes potes en film et bourré sur ma cadavre. Venu dans le réseau, bah ouais, les techniques ont progressé. Désolé, ton com ne m'a pas trop blessé. Pas de parents ici, bah non, non, y'a trop d'excès. Donc envoie-moi un message quand t'es connecté. Connecté, on est connecté. Connecté, on est connecté. Hein? Ici, bah y'a trop d'excès. Donc envoie-moi un message quand t'es connecté. Petit, ceux qui t'aiment vraiment le font pour ton vrai profil. Partage est une notion qui t'enrichit. Les détracteurs te mettent dans une matrice. Là où t'auras pas de wifi. On m'a toujours dit que les opposés s'attirent. Dans quelques années, la situation sera pire. J'pense pas que nous aurons grand chose à dire. Y'a plus de raison, j'coupe la ligne. Veuillez laisser un message. Connecté! Planète rap, 100% rap français. Si ton gosse côtoie que t'es hors la loi, c'est qu'il fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. Pour ça que la plupart sont au Hebs. Mégane et Rez fonce des sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guette. Si ton gosse côtoie que t'es hors la loi, c'est qu'il fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. Pour ça que la plupart sont au Hebs. Mégane et Rez fonce des sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guette. J'me barre sur un coup de tête. Je suis un DZ comme ZZ. Allez, tiens. Tu peux voir en gamin sans choupette. Ouais, ouais. Ou sur un gros YZ, you know. C'est la U mon pote. Tu veux apprendre des choses, welcome. Je la baisse, je la jette. Elle croit que je vais la marier cette conne. Ces bâtards m'écoutent, me reconnaissent. Mais font sa main sur la mec, ça me fait galerie. J'arrive en 200 et je repars en Ferrari. Oh oui l'ami, c'est fini la zermée. On apprend nos erreurs. On vide les caisses en moins d'un quart d'heure. J'ai fait le tour du game. Ton rappeur préféré c'est qu'un imposteur. Libia et Coca ils sont absents, on la ressent. Fermé 4 saisons, de quoi péter les plombs. Toujours parano quand j'entends le GP800. Donc jette un coup d'œil quand je suis posé au check. Son merde, qui veut ma peau. Perdra sa VIE gros. Je suis sur un bateau. Pendant qu'en France il pleut gros. Toi que t'es hors la loi, c'est qui fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. Pour ça que la plupart sont au Hebs. Mégane et Rez fonce des sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guette. Si ton gosse côtoie que t'es hors la loi, c'est qui fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. Pour ça que la plupart sont au Hebs. Mégane et Rez fonce des sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guerre. Hermano qui passe à ses feux dans la casa. D'ici on veut se casser en tour, écoutera ça. Ton futur, mon passé, vote la peu, vote là. C'est frérot, y'en a assez, je veux percer, je pense qu'à ça. Marre de prendre des restes. La maman s'inquiète, sa bibi des plaquettes. Pour bronzer à Phuket, ces bâtards veulent ma tête. Ils auront que ma bite dans leur bouche et ta pète. Non mais laisse, tu connais l'adresse. Boboche, la preuve, tu connais l'adresse. Ma chérie, retourne-toi, on n'aime pas trop la tendresse. La cocu n'est pas prête, paye cash quand j'encaisse. J'ai gagné la guerre, j'ai pas perdu la foi. Même si j'ai été dans le haram quelques fois. Tu m'appelles par mon zeub, là je te connais pas. Trahis-moi et sur toi je mettrai une croix. C'est des apprentis. J't'ai déjà dit, j'suis vaillant, pas bandit. Tu peux voir à blanc, coq à bondi. T'as la nuit avec mes bandits, tout dans l'OG. Y'a trop de fumée dans mon atmosphère. Rapat, tous capuchés à la bouche, un gros thème. Dans l'bat, si ton gosse côtoie que t'es hors la loi, c'est qui fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. Pour ça que la plupart sont au Hebs. Mégane et Rez fonce des sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guette. Si ton gosse côtoie que t'es hors la loi, c'est qui fait des lovés dans le TX. Bandito comme Jermaine n'a pas de bras droit. Solo avec un calibre, il vous baisse. D'après la juge, on est tous maladroits. pour ça que la plupart sont au heps. Mes gagnés restent foncés sur la A3. Assume la chasse, mon poteau, c'est une guest. GLK, ce sera sur la Bousca Feufra Peufra, merde, Bousca Peufra qui sortira le 15 avril prochain. Ah, c'est soir de nocturne, hein. Dédicace à toute l'équipe de Bouscapé d'ailleurs, ça sort le 15 avril. La Bousca Peufra, quoi, simple à dire. GLK, on écoutait. À la Doom, dans la nocturne. Énervé, Vladimo. Qui? Qu'est-ce que tu racontes de bon? Protégez vos côtes, les rappeurs tombent de haut. C'est pas découplé, c'est des gages, tombent de trop. T'es rentré dans mon espace, 3 secondes de trop. Malheureux, joue la coulée, prends des notes, baby. Au lieu de parler, de rentrer dans des modes débiles. Va dire à tes potes de méditer sur ce track de Max, ça t'évitera de chanter d'autres bêtises. Saute comme un enfoiré de lapin. L'industrie subit ton pleura sans arrêt, je la plains. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me place sur leur terrain, genre pour m'emparer de la pointe. Laisse-moi chill ou j'appelle mes docs. Le virus est en fou, y'aura pas de médoc. Tu ferais mieux de kicker sur des bikes de l'époque. L'attraper est devenu le repère des rappeurs médiocres. J'ai comme une envie de lancer des tas de pas. Ces rappeurs ont influencé des tas de gars. Lève la patte si toi aussi le peur a facile. Et toute cette classe ça ne te parle pas. Sale cosse, y'a pas d'amnistie. T'as zéro puissance, tu mets des patates mystiques. Dis-leur que j'ai craché ma rage, sapristi. J'ai niqué l'ambiance à tout plein de chats, chaque istir. Je viens bousculer ton actu. Mauvais choix pour faire du rallye, c'est ça me tue. Là-dessus, je me dis, dommage. La crédibilité ne paie pas les factures. Parce que je pense que le black est en jeu. Des quartiers de France, t'as capté, je pense. J'ai fait le tour de la zone là. Je pourrais faire un son sur l'amour de mes baskets. Blanche, ouais, puisque je peux. C'est un freestyle, ouais, je dis ce que je veux. Pyromane en concert, je kiffe le feu. Fils de kiff, ce style de jeu. Vieux, vu que j'avais pas d'argent, je faisais du sur place, j'allais pas de l'avant. Maintenant, les bâtards sentent la patate, j'attaque, j'envoie les passes poissons. Je vais vous asphyxier, la viser. Parce que tu crois, vous êtes matrixé. Quand tu rappes, tu fais pas kiffer. Dis pas que c'est l'ingé son qui sait pas mixer. Yeah, kick sur le beat et chaque rime est attaqué. Je te chiffre la tête, je te lâche plus. T'entends dire, t'es en train de zigzag. Zaguer sur la vue, les sceptiques méritent un coup de chasse. Puriste écoute ça, j'aurais pu poser ce peur sur un boom jack ou sur de la new jack. Prépare un medley avec un boot jack. J'm'éclate sur ce tempo. Aux yeux en noir en face, les mecs sont tout petits. Que de la merde, échec sont boutiques. Fais preuve de plus de réflexion, ourti. J'atterris dans ce show business. J'ai le flow qui pèse, aucune politesse. Opinesse, c'est out. Comme le deuxième mois des holidays. À l'ancienne, on écoutait du rap qui nous tirait vers le haut. J'prenais des bonnes leçons. Maintenant c'est dément, j'constate l'inverse. Apparemment c'est les types qui donnent le ton. Thibaut. Mec, j'ai une espèce de contrôle mental sur Thibaut. Thibaut, tu peux dire ta gueule bouffon. Je bronche pas. Thibaut. Mais quand il se casse, Thibaut, je parle toujours moi. Merde. Thibaut. Là Thibaut, fume-moi tes trucs. Merde. Thibaut. Mike, il est bon qu'à dépouiller les mecs, c'est tout ce qu'il fait. Thibaut. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est que cra dans la nocturne. Et le morceau pas payé. Raph Simon sont toutes neuves. Check. La casque était toute neuve. Check. C'est fini. Ouais. Je suis issu de la Zermie. Je traîne pas avec la vermine. Je comprends plus rien, faut les gens réglo. Je côtoie des renards comme Jean Reno. Je comprends plus rien, faut les gens réglo. Frère de ta gars du bled, ma gueule. Oh. Remballe tes mains direct, ma gueule. Marche avec ceux qui me connaissent, ma gueule. Mon acharnement bouffe le game, ma gueule. L'industrie tourne autour de mon sgueg, ma gueule. Je fais du bruit, j'arrache tout complète, ma gueule. Haute scène, dope game, on scène, ma gueule. On s'en bat les couilles, tes conseils, ma gueule. On est là, attends que tu payes, ma gueule. Mon frère, prenne ta vie si tu t'es payé, ma gueule. Je passe au-dessus de leur tête comme Emirates. Pas de featuring comme ça, c'est direct. Actif en crédit dans le périmètre. T'as raclipé pour double décimètre. Elle bouffe mes cacahuètes comme mes menettes. Ça part en cacahuètes, ça dégénère. Évasion Habs, transfert cellulaire. Je suis souriant, des fois j'en ai plus l'air. La plupart du temps devant père et mère. Les rappeurs, je les rends tous intérimaires. J'suis issu de la Zermi. J'traîne pas avec la vermine. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'côtoie des renards comme Jean Reno. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'suis dans l'espace, peu froid dans le vaisseau. Sur le terre-terre, ça se bousille. J'suis plus air-air que limousine. J'fais des strikes comme si j'jouais au bowling. J'suis venu hacker le web comme Sluggy. J'ai rallumé la pièce comme une bougie. Et les trois quarts du game, j'suis sous rougisse. N'hésite pas à fléchir et s'assouplisse. J'me suis masqué pour rester le même. Ma gueule, pas de freestyle et pas d'interview pourri. 92 créneaux pour se refaire, ma gueule. 92 réseaux pour tout fournir. Tu me dois le respect, t'éloignes pas trop gros respect. Ils sont pas morts dans le film, mais morts dans l'extrait. J'éteins pas mon style sans faire exprès. Toujours au calcul, frappe comme un sensei. Regarde froid, mais dans ma tête, j'da hack qui m'impressionne, app comme un sensei. Qui soit là ou app, c'est la même, t'sais. Traumatisation du rap, ce qu'on fait, c'est la compétition au Mac m'appelle sensei. CR7, virgule, passe, frappe des benzés. Galactique comme le Real pour le 9B. J'suis issu de la Zermie. J'traîne pas avec la vermine. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'côtoie des renards comme Jean Reno. J'comprends plus rien, faut les gens réglo. J'suis dans l'espace, peu froid dans le vaisseau. C'est pas qui t'aime, on n'a pas t'imaginé. Qu'est-ce que tu fous dans ma rue, j'espère que tu fais pas du peiné. Je mets des tales sur un traître, je parie qu'il va faire un pète. T'esquives pas la balle dans la tête. Je vais te faire de la maille solo. Si t'as capté les bails, follow. Je pars du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je restais le même. J'ai vu la monnaie. T'avises pas de me faire un trou dans le sac, j'ai trop déconné. Pour un avenir que j'ai jamais croisé. Sors un son, sors le mien, y'a juste une diff de phrasé. Je parle du mal que j'ai connu, je parle des hommes qui sont passés. T'es dans ma vibe. Dans ma paille, dans ma paille, dans ma paille, dans ma paille, dans ma paille, dans ma paille.

J'ai pas souhaité finir comme ça. Mais non, on finit comme ça. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Jekyll dans la nocturne. Featuring millionnaire transaction. Je croque ça, t'es pas dans les dents pendant que les autres pleins. Quel que soit le plan, il faut que je croque ça. Nique les miettes comme alpha, je fais mon propre pain. Non, faut pas nous prendre pour des cons, fais les comptes, on n'est pas comptable. Toujours 2-3 titres et dans les contacts. Pour un contrat, ça se la comptera. Contraint, boulot pour un trompard, t'es le compas, t'es le coupable. Quand le coup part, je suis le coupable, je suis tout pas. Rap game, non, je choupe pas. Quand je choupe, je loupe pas. Traîne avec mes loupards. Dans le 13-06 sous le var. Si à demande de rançon, tous mes gangsters rançon, je mens pas. Méfie-toi du blanc calme qui se rend calme. Je veux de la weed, je veux rien savoir avec tes blancs at. Au mieux, je croque sur la transat. Je prends le sac, 2-3 billets, ça, je m'en vais plier ça. Merde, ça, merde, besoin de scier ça. Arrête, t'as déjà croqué où t'es victimaire. Parle comme un grand, y'a que les petits qui merdent. Croqué sur une transat. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Bang. Bolé, man, 9-1. Torso. Tell me on the track. 9-3. Cozy, Niama. 9-2. Bang, bang. Chip Norris, le dernier de dinosaures. Dino Map. Apichu Gangsta. Gianni Sasa. Check Fu. On ramène les libangas dans le rap français, ma gueule. Coute ça, coute ça. Mais qui a dit qu'un Congolais peut se son froc ici? Bloc chargé, bloc chargé. Bouteille de Jack, 9 milli. Bloc chargé, le premier qui bouge, on va lui allumer sa remet. Tu parles beaucoup, t'assumes pas. Imbécile, viens que je te casse le nez. Après la pluie, vient le beau temps. Je crois bien qu'il est l'heure de mon succès. Toi tu veux être ma Halel, t'as mes tours comme Nolwenn. Je fais la fête Numba, même si c'est pas Noël. La City, ça galère, ça pipi, ça soulève des haltères. Un coup de feu, tu retrouves des mecs à terre. Gamos remplis de fumée, les pitchs et les mbis, la nous piste. Ta bique grave de 3 poches, t'en veux. Et tu te prends pour un grossiste. Imbécile. Le peur c'était mieux avant, c'est ce que diront les puristes. Pour percer, aller de l'avant, ton MC suçait des pénis. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te copier ta masse assigne à ma si tu causes trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant non gamo, j't'ai maté ma soco. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te copier ta masse assigne à ma si tu causes trop.

my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est des bâtards. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pour attaquer le week-end ou les vacances pour certains. Merci d'avoir veillé tard, la nocturne c'est fini. Prochaine nocturne dans une semaine, à pas louper sur Skyrock. Dès lundi, MHD débarque avec son album qui sortira le 15 avril. On pourra découvrir ça tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Passez une bonne nuit, bonne soirée, fabuleux. On est paré ou quoi? Big up et une grosse dédicace à Momo. La famille, on pense à toi, force à toi. Et on est parti pour le son. Coup d'envoi. Du rap et du R&B. Turn it up.